بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 7 dans la lecture de Al-Fusul min Sirat al-Rasul ou fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit par Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir, l'imam ibn Kathir, le même que celui qui a écrit le tafsir du Coran, tafsir al-Quran al-Azim. Donc il a écrit donc ce livre sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a aussi d'autres livres d'histoire, comme par exemple le livre qui s'appelle Al-Bidaya wa al-Nihaya. Al-Bidaya wa al-Nihaya, c'est un livre qui parle de l'histoire, c'est un livre qui parle de l'histoire. Donc Al-Fusul fi Sirat al-Rasul, ça c'est au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est rendu à un chapitre qui s'intitule Faslun Babu Ba'th ou Faslun Ba'thu Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, et on appelle cette barakallahu fik, on appelle cette expédition ou cette expédition militaire dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains d'entre les sahaba, on l'appelle Sariyatun Akhla. Donc le cheikh Al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah, il dit: Thumma ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Jahsh ibn Ri'ab al-Asadi وثمانية من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، أما أنا فناهض يعني فقائم بالأمر. Donc il explique ici que, parce qu'on était en train d'expliquer dans les chapitres précédents toutes les différentes expéditions dans lesquelles les sahaba ont été envoyés dans les premières années de l'islam après la hijra, hein, et les expéditions également dans la deuxième année aussi. Et là on est arrivé donc à l'exemple, avant de parler de la bataille de Badr, il parle maintenant de cette expédition-là qui a eu lieu, dans, certains disent dans la première année ou d'autres disent dans la deuxième. C'est lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abdullah ibn Jahsh radiyallahu anhu, il s'appelle Abdullah ibn Jahsh ibn Ri'ab al-Asadi. Il l'a envoyé avec 8 parmi les muhajirines, avec un et il lui a donné une lettre. Il lui a donné une lettre avec lui et il lui a dit de ne pas ouvrir cette lettre avant qu'il ait avancé pendant 2 jours. C'est-à-dire, il a dit: pars pendant 2 jours, tu vas avancer, continuer ton voyage. Quand ça va faire 2 jours que tu es parti, ouvre cette lettre. Et ça fait partie des méthodes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait dans les batailles quand il partait, pour faire en sorte que ses ennemis ne sachent pas où est-ce qu'il s'en allait et qu'est-ce qu'il avait comme plan. Hein? Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait dans une direction et il avait l'intention d'aller dans une autre, mais pour tromper l'ennemi. Parce que les ennemis avaient des espions, et donc pour pas qu'ils sachent quelle était son intention, il faisait ce genre de manœuvre ou de ce genre de choses. Et là ici, l'exemple ici, c'est qu'il lui donne une lettre qui est cachetée. Il lui dit, ne l'ouvre pas avant 2 jours. Et il lui a dit, quand ça va faire 2 jours, ouvre-la, lis-la, et il dit, tu ne dois pas imposer à aucun d'entre les compagnons qui sont avec toi de rester. Quand vous allez lire ce qui est écrit dans la lettre, tu ne vas pas imposer aux autres de rester s'ils ne veulent pas rester. Celui qui veut rester, il reste. Celui qui ne veut pas rester, ils peuvent partir s'ils ne sont pas d'accord. Puis il lui a dit, il a ouvert la lettre, et dans la lettre, qu'est-ce qui était écrit? C'était écrit que si tu regardes dans cette lettre, il dit, va et avance jusqu'à ce que tu arrives à un endroit qui s'appelle Nakhla. Et cet endroit-là, c'est un endroit où il y a beaucoup de palmiers, hein, entre Mecca et Taif. D'accord? Donc, si on regarde la carte, sur une carte par exemple, Médine, c'est au nord, et il y a la Mecque au sud, et Taif est encore plus au sud. Taif, Mecca, d'accord? Donc ça ici en haut, c'est Al-Madina, ici c'est Mecca, et en bas c'est Taif. Et Nakhla, c'est dans une région entre Mecca et Taif, qui s'appelle Nakhla. D'accord? Donc les sahaba, ils doivent partir, hein, aller jusqu'à Nakhla. Donc c'est ce qui était écrit dans la lettre. Il dit, tu vas aller jusqu'à Nakhla, entre Mecca et Taif. Et tu vas surveiller Quraysh et les caravanes de Quraysh pour savoir de leurs informations, pour avoir de leurs informations et pour avoir de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Quraysh, ils se basent sur le commerce. Toute leur force vient du commerce. Ils ont des commerces vers le nord, des commerces vers le sud. Le nord vers le Sham et le sud vers le Yémen. Donc, lorsque les musulmans se sont installés à Médine, ils ont commencé à observer le mouvement des caravanes, hein, et commencé à justement bloquer ces caravanes-là pour affaiblir Quraysh. Maintenant, lorsqu'ils ont ouvert cette lettre, ils ont su ce qui était dedans. Ils ont dit, il a dit, hein, Abdullah ibn Jahsh, il a dit, sam'an wa ta'an, c'est-à-dire j'entends et j'obéis. Et il a dit à ses compagnons, voici ce que la lettre a dit, vous pouvez rester ou vous pouvez partir. Celui qui aime être martyr, qu'il reste. Celui qui déteste la mort, qu'il parte. Alors il a dit, moi, en ce qui me concerne, je reste. Et ils sont tous restés. Alors l'imam Ibn Kathir, Cheikh Ibn Kathir, il dit, فَلَمَّا كَانَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أَضَلَّ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاسِ وَعُتْبَةِ بْنُ غَزْوَانِ بَعِيرًا لَهُمَا كَانَ يَتَعَقَبَانِهِ فتخلف في طلبه وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل عثمان بن المغيرة ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة. Donc c'est ça. Othman ibn al-Mughira. Et Nawfil c'est Nawfil ibn al-Mughira. Donc Othman et Nawfil, les deux sont les fils de Abdullah ibn al-Mughira. Et il y avait également al-Hakam ibn Kaysan, Mawla bani al-Mughira. Donc c'est ceux qui étaient avec la caravane de Quraysh. Amr ibn al-Hadrami, Uthman et Nawfal ibn al-Mughira et al-Hakam ibn Kaysan. Ces quatre qui étaient parmi les gens qui étaient dans la caravane. Ils transportent avec eux des raisins secs, hein, et des épices et des choses pour le commerce avec eux. Et quand ils sont en, donc il explique le Hafiz ibn Kathir, il explique que en chemin Sa'd ibn Abi Waqqas et Utba ibn Ghazwan, ils ont perdu le chameau qu'ils utilisaient entre eux. Ils se relayaient l'un l'autre avec pour avancer. Et d'une certaine façon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais le chameau s'est enfui, ils l'ont perdu, donc ils sont partis pour aller le retrouver. Pendant ce temps-là, Abdullah ibn Jahsh a continué son chemin jusqu'à Nakhla. Une fois qu'il est arrivé là-bas, il a vu cette caravane avec les marchandises pour vendre, hein, et les quatre personnes qui étaient à la tête de cette caravane. Alors, ils se sont consultés entre eux. Fatashawar al-Muslimun. وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ثم اتفقوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم و أفلت نوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسير في الإسلام إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. Donc il dit que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'ils se sont consultés entre eux, les musulmans qui étaient là à ce moment-là. Ils ont dit, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attaque cette caravane ou bien on la laisse passer? Le problème, c'est qu'ils sont dans les quatre mois sacrés, dans un des quatre mois sacrés, le mois de Rajab. Les quatre mois sacrés sont Dhul Qi'da, Dhul Hijja, Muharram et Rajab. Ça, c'est les quatre mois sacrés. Les trois mois qui se suivent, c'est Dhul Qi'da, Dhul Hijja et Muharram. Ça, c'est les trois mois qui sont un après l'autre. Mais Rajab, il est tout seul. Et eux, ils étaient dans le dernier jour de Rajab. Ils n'ont pas le droit de combattre dans ces mois-là. Et c'était le dernier jour. Ils ont dit, si on les attaque, et c'est le dernier jour de Rajab, on a brisé le mois sacré. On a contredit l'interdiction de combattre dans le mois sacré. Il dit, toutefois, si on les laisse partir cette nuit, ils vont avoir le temps de rentrer dans le haram à Mecca. Et dans le haram, on peut pas les attaquer. On peut plus rien faire. Alors, ils se sont mis d'accord entre eux pour les attaquer avant qu'ils arrivent. Donc, même malgré que c'était le dernier jour de Rajab, ils leur ont dit, on va les attaquer quand même. Et un d'entre eux a lancé une flèche sur Amr ibn al-Hadrami et il est mort. Et ils ont pris Uthman ibn al-Mughira et al-Hakam, hein, et ils les ont pris prisonniers. Et l'autre, Nawfal ibn al-Mughira, il s'est enfui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils sont retournés avec la caravane et avec les deux prisonniers, et ils ont pris les butins de cette caravane et ils l'ont distribué. Et il dit, ça a été le premier butin dans l'islam, ça a été le premier khumus, c'est-à-dire le cinquième, la part qui revient à Allah et son messager, et le premier qatil, la première personne qui a été tuée, c'est-à-dire dans l'islam, c'est-à-dire la première personne que les sahaba ont tuée, ça s'est passé à cette occasion-là, parce que ils ont tué Amr ibn al-Hadrami, et c'était les premiers prisonniers qui ont été pris dans l'islam. Donc, ça c'est pour dire, c'était les premières choses là qui commençaient à avancer dans l'histoire de l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par contre, il a condamné ce qu'ils avaient fait. Il les a blâmés pour ça. Parce que c'était le mois de Rajab. Donc, il les a blâmés d'avoir fait ça. Et c'était pas pour ça qu'il les avait envoyés. Mais ils ont fait un ijtihad. Ils ont utilisé leur jugement. Ils ont agi comme ils pensaient être le mieux. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux. Et donc, ils se sont trompés. Mais, c'est-à-dire, ils ont essayé de faire ce qu'il y avait de mieux selon la situation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas avec eux. Et ils avaient peu de temps pour réfléchir à savoir comment ils doivent agir. Et dans des situations comme ça où parfois tu es dans un contexte où tu ne sais pas exactement est-ce que tu dois faire quelque chose ou non, dans des situations comme ça, les musulmans, ils essaient de se baser sur ce qu'ils ont comme connaissance, puis ils prennent une décision et ils agissent. Parfois ils ont fait un bon jugement, parfois ils se trompent. Ça peut arriver. Et s'ils se trompent, ils sont excusés, du moment qu'ils agissaient avec science. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur possible pour arriver à la vérité, mais ils se sont trompés, ils ne seront pas punis pour ça. Et il dit: "Washtadda ta'annut Quraysh wa inkaruhum dhalik wa qalu Muhammadun qad ahalla ash-shahr al-haram." فأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله يقول سبحانه هذا الذي وقع وإن كان خطأ لأن القتال فيه في الشهر الحرام كبير عند الله إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. Donc le cheikh il dit que les koufars ont beaucoup attaqué les musulmans à cause de ça. Ils ont critiqué beaucoup les musulmans en disant Muhammad il a brisé c'est comme s'il n'a pas respecté le mois sacré. C'est comme s'il n'a pas respecté l'aspect sacré de ce mois-là. Il a attaqué pendant ce mois. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre les versets 217 et 218 dans Surat al-Baqarah pour répondre aux mushrikins. Et dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave. Faire la guerre pendant ces mois-là, c'est un péché grave. Mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être mécréant envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Et le shirk est plus grave que le meurtre. Et il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, or ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leur action, dans la vie ici-bas et dans la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, que ce que les musulmans ont fait dans cette expédition-là, c'est clair que c'était une erreur. Mais, pourquoi? Parce qu'ils ont combattu dans un mois sacré. Et ça, pour Allah, c'est un grand péché. C'est un péché grave. Sauf que ce que vous, les mouchrikoun, êtes en train de faire, d'obstruer le chemin d'Allah, et de rejeter la foi en lui, et de mécroire en Allah et en la mosquée sacrée, et de faire expulser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque, alors que ce sont eux les vrais défenseurs de la mosquée sacrée, de la mosquée de la Mecque, de la Kaaba et al-Masjid al-Haram, c'est eux les vrais défenseurs de cette mosquée, les vrais alliés de cette mosquée. Alors ça, c'est encore plus grave pour Allah que de combattre pendant les mois sacrés. Donc il dit, le cheikh, que par la suite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté al-Khumus. قبل الخمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا قائلا لهم ما أمرتكم بقتال في شهر الحرام. أي نعم. Donc il dit donc il a accepté le khumus de ce butin et il a pris comment on dit, al-fida, j'ai oublié le terme. Attends, je vais vous le dire tout de suite. Al-fida, c'est la rançon, je crois. Il a pris la rançon pour ces deux prisonniers. Il a pris la rançon pour les deux prisonniers, c'est-à-dire de les libérer. Il les a libérés en échange d'une rançon, c'est ça, c'est le bon terme, c'est la rançon. Après, le cheikh, il parle de du changement de la qibla. Il parle du changement de la qibla. تحويل القبلة وفرض الصوم. Il dit وفي شعبان في هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة وقيل 17 شهرا وهما في الصحيحين أول من صلى إليها أبو سعيد ابن المعلى ويعني صاحب له كما رواه النسائي وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة فقلت لصاحبي تعال نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها فتوارينا وصلينا إليها ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ وفرض صوم رمضان وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم يعني في السنة الثانية. Donc ici il explique que dans le mois de Sha'ban de cette année-là, la Qibla a été changée de Bayt al-Maqdis jusqu'à la Kaaba. Les gens priaient vers le nord à Médine. Les gens priaient vers le nord. D'accord? Ça, c'est Baytul Maqdis, c'est au nord, en Palestine. Al-Madina, c'est ici. Donc, les musulmans priaient vers le nord. Pendant 16 mois. Et d'autres disent pendant 17 mois, quand ils étaient à Médine. Quand ils étaient à Mecca, auparavant, les musulmans priaient vers le nord aussi, sauf qu'il se mettait devant la Kaaba, il se mettait au sud de la Kaaba, puis il priait vers le nord. Donc, il priait vers Bayt al-Maqdis, mais devant la Kaaba, en étant au sud de la Kaaba. Quand ils sont partis à Médine, ils ont prié vers le nord. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de prier vers la Kaaba, vers la Mecque. Donc, ils se sont tournés, hein, ils ont tourné 180 degrés, et au lieu de prier vers le nord, ils ont commencé à prier vers le sud. En étant sur Médine. Naam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme c'est mentionné dans An-Nasa'i, que les premiers qui ont prié vers cette direction, vers la Kaaba, quand ils étaient à Médine, c'était Abu Sa'id ibn al-Mu'alla et un compagnon à lui. Et ça, c'est rapporté par An-Nasa'i. Et naam. Sauf que ça a été déclaré comme, je pense que ça a été déclaré faible, à cause d'un des narrateurs dans le hadith qui est faible. Marwan ibn Uthman ibn Abi Sa'id al-Mu'alla, qui est da'if. Mais il mentionne que, dans le hadith, ils disent qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la khutbah et qui mentionnait les versets qui parlent du changement de la qibla. Et ils ont dit, bon, on va prier rak'atayn pour être les premiers qui ont prié vers cette direction-là. Alors ils se sont levés, ils se sont tournés et ils ont prié vers la Kaaba. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du mimbar et il a prié avec les gens la prière de Dhuhr ce jour-là. Et c'est cette même journée-là le jeûne du Ramadan, c'est-à-dire c'est dans cette même année-là que le jeûne du Ramadan a été ordonné et que la zakat ou le fitr a été ordonnée aussi, un jour avant. Zakat ou le fitr, c'est-à-dire la zakat qui est ordonnée à la fin du Ramadan. Donc, en ce qui concerne d'autres petits détails par rapport à le changement de la qibla, il dit, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. Donc, il priait quand il était à la Mecque vers la Bayt al-Maqdis, mais il mettait entre lui et Bayt al-Maqdis la Kaaba en priant, en se plaçant au sud de la Qibla. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait la Kaaba. Pourquoi? Parce que c'est la maison qui a été construite par son ancêtre, hein, le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et donc, après avoir fait, durant la deuxième année de la Hijra, après avoir fait la Hijra dans le mois de Sha'ban, ici il dit Sha'ban, d'autres ont dit Rajab, parce qu'il y en a qui ont dit 16 mois, d'autres ont dit 17 mois, il y a eu le changement, donc la Qibla. Il dit, wa an al-Bara ibn Azib, ça c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim, il dit, an al-Bara ibn Azib, قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. Donc ça c'est rapporté dans Al-Bukhari Muslim. Ils ont dit on a prié pendant 16 ou 17 mois avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم vers بيت المقدس, puis ensuite on s'est tourné vers la Kaaba. Donc, souvent on entend parler de une mosquée à Médine qui s'appelle la mosquée de Qiblatayn, Masjid de Qiblatayn. Et Qiblatayn, ça veut dire la mosquée qui a deux Qiblas. Hein? Et il y a une histoire qui est rapportée à ce sujet-là, que les gens étaient en train de faire la prière, puis qu'ils se sont tournés pendant la prière 80 degrés avec l'imam, puis qu'ils ont, parce que quelqu'un est venu leur donner l'information que la Qibla avait été changée. Donc pendant la prière, ils ont fait une manœuvre comme ça. Ils se sont tournés 180 degrés. Ils ont prié vers la Kaaba. Et comme plusieurs d'entre les mashaykhs ont expliqué que il n'y a pas une mosquée seulement qui peut s'appeler, qui mérite de s'appeler Qiblatayn. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mosquées qui ont justement à Médine prié à deux qiblas. La mosquée, même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu deux qiblas dedans. La qibla au début, ils priaient vers le nord, après ils ont prié vers le sud. Donc cette mosquée-là, on pourrait aussi dans ce cas-là l'appeler qiblatain. Donc la mosquée aujourd'hui qu'on appelle qiblatain, elle n'a pas rien de particulier en réalité. Et ça ne fait pas partie des mosquées que les musulmans doivent aller visiter quand ils vont à Médine. Parfois, si tu vas là-bas, il y a des chauffeurs de voitures qui amènent les gens faire des tours pour visiter des endroits à Médine. Et ils les amènent à Qiblatain, à cet endroit-là. Ils disent ça, c'est Qiblatain. Il n'y a pas un mérite particulier d'aller visiter Masjid Qiblatain. D'accord ? Laysa li hadha al-masjid fadlun mu'ayyan. Yani hadha masjid mithl al-masajid al-ukhra. Et yani aussi des endroits qui sont recommandés de visiter à Médine, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Quba, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait chaque samedi faire rak'atayn là-bas, puis il revenait. Et il a dit que celui qui le fait, il a la récompense comme s'il avait fait une umrah. Hein? Ça, c'est le mérite d'aller faire rak'atayn à Masjid Quba. Et il y a aussi Shuhada Uhud, hein, d'aller faire les du'as pour les martyrs de Shuhada Uhud. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres endroits qui sont méritoires ou dans lesquels il y a un mérite particulier d'aller visiter. Ça, c'est dans les alentours, autour de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des distances, mais c'est pas très loin, yani. ensuite, donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? وعن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس. Donc ça on l'a déjà dit. فلما هاجر إلى النبي فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يمكنه الجمع بين القبلتين فكان يكثر من الدعاء ويرفع يديه وطرفه إلى السماء سائلا الله أن يوجهه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم est arrivé à Médine, il pouvait plus rassembler les deux qiblas ensemble comme il le faisait à la Mecque, hein? Donc il était obligé il se tournait vers le nord, mais il invoquait Allah, il demandait à Allah dans son dua de lui accorder de se tourner vers la Kaaba, hein, comme direction pour la prière. Et c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu et a révélé le verset 144 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement à ce sujet-là, certes, nous te voyons tourner le visage en tous les sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité qui est venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc, ça c'est l'exemple de ce qui est mentionné dans le Coran à ce sujet-là. فَتَوَجَّهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَكَانَتْ أَوَّلُ صَلَاتٍ صَلَّهَا فِي مَسْجِدِهِ وَهِيَ صَلَاتٍ. Ici il dit صَلَاتِ الْعَصَرِ, dans l'autre il dit صَلَاتِ الظُّهُرِ. Des fois il y a des divergences comme ça entre les rapports, entre les différents rapports. Mais qu'est-ce qui est rapporté dans Al-Bukhari? C'est Salat al-Asr. Donc il dit, وعن البراء ابن عازب, on l'a lu ça, il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. Donc ici il mentionne que il a la première يعني prière qu'il a prié c'était صلاة العصر. ووصل خبر تحويل القبلة إلى أهل قباء في صلاة الفجر من اليوم الثاني لأنهم كانوا خارج المدينة فاستداروا إلى جهة الكعبة. Donc les gens de Quba aussi, quand ils ont entendu la nouvelle le lendemain matin pour la prière de Fajr, parce que c'est quand même une distance, hein, c'est pas directement là où la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est, c'est un peu plus loin. Donc le lendemain pour la prière de Fajr, ils ont appris la nouvelle du changement de la Qibla, ils se sont tournés, hein, pendant la prière vers la Kaaba. Il dit وعن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه. Donc il dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que les gens, il dit, ils étaient à Quba en train de prier salat al-subh, la prière du matin, de l'aube, et un homme est venu et leur a dit, le messager d'Allah a reçu la révélation cette nuit d'un verset dans le Coran dans lequel on lui ordonne de se tourner vers la Kaaba. Alors tournez-vous vers la Kaaba. Et les gens étaient tournés vers le nord, vers la Syrie, vers la Palestine, et ils se sont tournés 180 degrés pendant la prière, et hein, ils ont prié vers la Kaaba. Ils n'ont pas attendu, hein. On voit comment les sahaba étaient rapide à mettre en exécution les ordres, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussitôt qu'une nouvelle ou quelque chose leur parvenait de la religion d'Allah, ils voulaient tout de suite le mettre en application. Ils n'attendaient pas. وَكَانَتْ بِدَايَةُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ. Donc ça c'était le début du changement de la Qibla. Puis on a vu, dans le Coran, on voit également les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les objections des juifs, hein, et des mouchriquins au changement de la Qibla, parce qu'ils n'ont pas été contents de ça. Quand ils ont vu que les musulmans ont changé de Qibla, ils n'ont pas été satisfaits de ça. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, il a dit « Sayaqulu sufaha'u minan nas » ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. Et dans un autre verset il dit وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Donc ces versets-là, c'est les versets dans lesquels وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Les versets 142 et 143, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala répond aux objections des juifs et des mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les faibles d'esprit parmi les gens diront, hein, vont dire, qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient auparavant, hein? Pourquoi ils ont changé? Et là il dit au Muhammad, réponds-leur à ces gens-là, aux juifs et aux autres, c'est Allah qu'appartient le levant et le couchant, hein, l'est et l'ouest, il guide qui il veut vers un droit chemin. Et dans le verset suivant, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin pour vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager et qui s'en détourne sur ses talons, qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pour ceux qu'Allah, mais pas pour ceux que Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Donc ça, c'est des exemples. Et on avait lu justement l'explication de ces versets et le tafsir de ces versets quand on a lu l'explication des versets 143 et 144 et 142 aussi de Surat al-Baqarah dans le tafsir de Cheikh Saleh al-Fawzan. On a expliqué ça en détail. Cheikh al-Fawzan, il a donné des explications détaillées sur ce sujet-là. Parce qu'au début, quand les musulmans sont arrivés à Médine, les juifs ont vu les musulmans prier vers Bayt al-Maqdis. Alors ils étaient contents, ils ont dit, ils prient vers la même direction que nous. Hein? Donc ils ont pris ça comme quelque chose de bien. Ils ont dit, il est sur la même direction que nous, il veut suivre notre direction. Puis, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'ordre de se tourner vers la Kaaba, donc là ils ont dit, mais les juifs ont commencé à critiquer, ils ont dit, mais comment ça se fait que vous changez de direction? Votre religion, elle change, comme s'ils veulent se moquer. Ils disent, votre religion, elle change tout le temps, elle est pas stable. Hein? Il y a toujours des choses qui changent à chaque fois. Et les mouchriquins, eux, se sont réjouis. Ils ont dit, mais il est revenu vers la direction de la Kaaba, donc peut-être qu'il va revenir à notre religion. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ces critiques et à ces paroles là et il explique en fait que non, hein, c'est pas l'important de se tourner vers l'est ou l'ouest. L'important, c'est de se tourner vers l'ordre d'Allah et d'obéir à Allah. C'est ça l'important. C'est pas que tu te tournes vers le nord ou le sud ou l'est ou l'ouest. L'important, c'est que tu es sur la vérité, que tu te tournes vers là où Allah t'ordonne. Hein? Et en même temps, il répond au mouchriquin en disant, non, cette Kaaba, cette Qibla, ça c'était bâti par Ibrahim alayhi salam pour établir le tawhid et l'unicité d'Allah, pas pour le shirk. Hein? La Kaaba, elle n'a pas été construite pour l'adoration des idoles. Quand Ibrahim alayhi salam, quand il l'a construite, il n'y avait pas d'idole autour. Au contraire, il l'a établie pour adorer Allah seul. Hein? Et pour combattre le shirk. Donc ça, c'est un résumé de ça. En ce qui concerne la législation du jeûne, il faut savoir une chose, c'est que le jeûne, il a été révélé et ordonné en trois étapes. La première étape, c'était que le jeûne était volontaire. Celui qui veut le faire, il peut le faire. Celui qui veut pas le faire, il ne le fait pas. Et ça, c'est comme c'est mentionné dans le verset 184 dans Surat Al-Baqarah, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Celui qui ne voulait pas jeûner pouvait nourrir un pauvre à la place. C'était pas obligatoire au début. Puis, il y a des hadiths mentionnés à ce sujet-là. Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, man sha'a sam wa man sha'a aftar. Fa'ftada bi ta'ami miskin. Hatta unzilat hadhihi al-ayah. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. Donc c'est rapporté selon Salama ibn al-Aqwa qu'il dit, au début nous étions dans le Ramadan à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voulait, il jeûnait, et celui qui ne voulait pas, il pouvait manger, et il nourrissait des pauvres, hein, à la place, jusqu'à ce que Allah fasse descendre le verset plus tard qui dit, le verset qui est juste à la suite, le verset 185, qui dit « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui d'entre vous qui est présent dans le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. Et la deuxième étape du Ramadan, هِيَ صِيَامُهُ وُجُوبًا وَلَكِنْ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُهُمْ حَلَّ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَتَى نَامَ أَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ والجماع إلى الليلة المقبلة، فوجد في ذلك وجد من ذلك مشقة كبيرة بطول مدة الصيام. La deuxième étape du Ramadan, c'était que le musulman il devait jeûner à partir de Salatul Isha. À partir de Isha, tu manges plus, tu bois plus, et plus le droit d'avoir des rapports avec ta femme jusqu'au Maghreb. Après le Maghreb, tu peux manger, tu peux boire, tu peux avoir des rapports avec ta femme jusqu'au Isha seulement. Puis après l'Isha, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus boire jusqu'au Maghreb encore. Donc c'était très long. La période de jeûne était très longue. Alors, c'est là que par la suite, c'est là qu'est venue la troisième étape dans le Ramadan. C'est-à-dire que Allah a permis de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec notre épouse après le coucher de soleil jusqu'à l'aube. Et donc la période du jeûne a été raccourcie. Au lieu d'être du Isha au Maghreb, c'était de l'aube au Maghreb. Et le reste de la nuit, on pouvait ne pas jeûner. Et ça, c'est mentionné dans le verset 187, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum ilahunna ila akhirih." Donc, ça, on l'a expliqué dans le cours de tafsir, les trois derniers cours, même les quatre derniers cours, c'était au sujet de ce verset-là. Donc, c'est-à-dire, on vous a permis, pendant les nuits du jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses. Au début, ce n'était pas permis pendant la nuit. Après l'Isha, ce n'était pas permis et ça a été permis par la suite. Donc ça, c'est les étapes par lesquelles le Ramadan est passé. Trois étapes. L'étape où on avait le choix de le faire ou de ne pas le faire. La deuxième étape, c'est que c'était obligatoire du Isha jusqu'au Maghreb. Et la troisième étape, de l'aube jusqu'au Maghreb. Ça, c'est les trois étapes. Naam. Donc ça a été dans la deuxième année de la Hijra, après la Hijra. Et ça nous indique une chose importante aussi, c'est que toutes ces obligations-là qui ont été légiférées par la suite, elles sont venues après la Hijra. Ça veut dire que pendant 10 ans, même les deux premières années, il n'y avait pas d'autres obligations dans l'islam, excepté le tawhid, la ilaha illallah. Et que pendant 10 ans à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concentré uniquement sur la ilaha illallah et sur le tawhid et l'enseignement du tawhid. Donc ça, c'est ce qui nous montre l'importance du tawhid dans l'islam et que c'est la base de la da'wah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis la semaine prochaine, inshallah, on va commencer l'explication à propos de la bataille de Badr. Non. Les quatre mois sacrés, c'est le mois de Rajab, de Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram. Pendant ces quatre mois, on est interdit de combattre. C'est des mois sacrés. Il ne peut pas y avoir de combat pendant ces mois-là. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.